18.6, observation. Les personnes et leur profession. Il vend des bijoux. Il est bijoutier. Il a une bijouterie. Il vend de la viande. Il est boucher. Il a une boucherie. Il vend du pain. Il est boulanger. Il a une boulangerie. Les industriels sont dans l'industrie. Les hommes et les femmes d'affaires sont dans les affaires. Les commerçants sont dans le commerce. Les agriculteurs sont dans l'agriculture. Les enseignants sont dans l'enseignement. Et les magistrats sont dans la magistrature. Les militaires sont dans l'armée. Les marins sont dans la marine. Les ambassadeurs sont dans la diplomatie. Les agents d'assurance sont dans les assurances. Et les cinéastes sont dans le cinéma. Notez que le nom de la profession est précédé de l'article défini.